إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، طيب، يعني بعض الفتيات في الكودكسيون الفرنسية في سجد كوا يعني va faire un petit cours. À la base, c'est le frère Abbas qui devait faire le cours, mais bon, pour certaines causes, il n'est pas venu. Puis, chafah Allah. Donc, on va faire un cours, enfin, un petit rappel plutôt, c'est pas un petit rappel sur, dans le titre, que celui qui s'attache au chemin du prophète Mohammed a.s., il n'a pas à craindre dans la vie d'ici-bas, ni dans l'au-delà. Al-mutamassik bis-sunna thabit al-haq, la yakhsha. أو لا يخاف ولا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا العنوان. C'est ça le titre. طيب. Et le cours, il est tiré, c'est exactement, c'est pratiquement, c'est répété ce qu'il y a dans le livre de les six perles. Sept dollars. من أصول أهل الأثر de Cheikh Abdelmalik Ramadan. C'est un très bon livre dont il a traité six points que حقيقةً ça trace un manhaj dans la vie. حفظه الله. C'est un très bon livre qui est tiré dans son livre, de l'introduction de son livre Madarik al-Nazar. C'est un livre que celui qui a fait l'introduction, Cheikh al-Albani, Cheikh al-Abbad, Hafidallah, Cheikh al-Abbad, wa rahimallah, Cheikh al-Albani. Donc, c'est un très bon livre que normalement les frères ils sont censés le lire. Il est en français, il est en arabe. Yani, vous avez la possibilité de l'avoir. Donc, le cours c'est exactement tiré de ce livre, qui est un très très très très bon livre sur dans son sujet. طيب لا شك أن كل مسلم يعلم أن الله جل وعلا من على المؤمنين بمنة عظيمة ونعمة كبيرة، وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. والله تعالى قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. Donc, certes, parmi les plus grands bienfaits d'Allah Jalla wa Ala sur cette communauté, que Allah il aura envoyé un messager comme Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc Allah Ta'ala nous a envoyé ce messager pour nous sortir des ténèbres vers la lumière qui est son chemin sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. ولا شك أن الله تعالى افترض طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق أو على الثقلين الإنس والجن. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: كل أمتي في الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني هو في النار. والله تعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. Donc, certes, Allah il nous a demandé de suivre ce prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de respecter ses ordres et d'éviter les choses dont il nous a interdit. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma communauté, elle est dans le paradis, sauf celui qui refuse. Ils ont dit: c'est qui refuse de rentrer au paradis? Il a dit: celui qui m'obéit, il va rentrer au paradis, et celui qui me désobéit, il a refusé. Hadith, ma communauté, huya ummat al-da'wa, tous, pas que les musulmans. Ma communauté ici, c'est général. C'est vrai, toute personne, elle obéit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle est dans le paradis, elle contredit le chemin du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, huya mutawa'ada, yani ça craint pour cette personne. Et alors Allah Ta'ala قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Yani, les gens qui dévient du chemin du prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ça craint pour eux. Et comme il a dit Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, قال: الفتنة هنا الشرك. Le mot fitna ici, ça veut dire الشرك. Yani celui qui divise du chemin du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam ou qui refuse ses sunnah, à force, ça sera, il va tomber dans الشرك. Nassallah jalla wa ala lana wa lakum al-afiyah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le Muwatta' l'Imam Malik et le Sunnah l'Ibn Nasr, وحسن الحديث الإمام الألباني رحمه الله تعالى قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما أو به لن تضلوا بعدي أبدا، ما هما؟ كتاب الله وسنتي. Il y a deux choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a garanti le succès pour celui qui s'attache à ces deux choses-là. Lesquelles? هو كتاب الله جل وعلا القرآن. La deuxième, c'est سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc, عندك جنة, t'as un paradis. Pour y accéder, tous les chemins sont fermés, à part un seul, c'est celui du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Comme il le dit Ibn al-Qayyim, رحمه الله تعالى, قال أن السبل كثيرة ولكن السبيل الواحد, وبمعناه الكلام قال لكن الله جعل الطريق الموصل إلى جنته ورضوانه هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم فقط واحد. لهذا الله تعالى قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني الله تعالى قال سيغت تجيد pour un chemin de droiture. Il n'a pas dit deux chemins, non, qu'un seul. يخرجهم من الظلمات إلى النور. Plusieurs ténèbres. لكن en fin de compte, la lumière, elle est unique. اهدنا الصراط المستقيم. Un seul chemin. لكن النبي صلى الله عليه وسلم, il est envoyé comme miséricorde pour cette communauté, justement pour leur montrer ce chemin. طيب. Donc, le cours, ça sera plus. Je ne dis pas des histoires, ولكن des certains moments que les compagnons ont vécu avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que ce sont pour nous des preuves réelles, concrètes, pour montrer الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو رابح وفائز ومنتصر في الدنيا والآخرة ومن تنكب الطريق فهو مهزوم في الدنيا وفي الآخرة. Donc celui que, pour justement des exemples concrets, pour voir que celui qui obéit à ce messager, il va gagner dans la vie d'ici-bas et dans la vie de là. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire gagner. Et celui qui divise de son chemin, il est perdant dans la vie d'ici-bas avant le delà. Awalan, Ghazwat Badr. Kull an-nas ta'rif Ghazwat Badr. Sahaba taqriban kanu 300 shakhs aw bid'a wa 300. والمشركين كانوا حوالي الألف. لما الصحابة استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطبقوا الأوامر أمرا بأمر وحرفا بحرف كانت النتيجة أو كان المصير هو النصر المبين الفوز العظيم. حتى سماها الله تعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فرق الله جل وعلا في ذاك اليوم بين الحق والباطل. لحظات قليلة مات جهابذة الكفر كلهم. إذن la bataille de Badr, les compagnons, ils ont appliqué tous les ordres du prophète عليه الصلاة والسلام. Ils étaient 300, en face il y avait 1000. En quelques, en un temps très court, les têtes du kufr sont morts. Abu Jahl, Aqba ibn Mu'ayt, Ubay ibn Khalaf, à la fin, Al-Bukhari ibn Hisham, X, Y, les têtes du kufr. علاش؟ لأن les compagnons ils ont suivi mot à mot ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le résultat c'était quoi? Un succès. Ce jour-là, Allah Ta'ala l'a divisé entre le haqq et le batil. 300 qui combattent 1000, c'est pas évident. Voilà que malgré ça, en un temps très court, ils ont gagné, radiyallahu anhu. Avec 70 morts du côté des kuffars et 70 prisonniers. لكن لو أتينا إلى غزوة أحد كل الأمر تمام. غزوة ماشى بشتى على شتى النواحي. الصحابة انتصروا في البداية نصر مبين حتى أن قال راوي الحديث قال حتى رأينا النساء بان النساء يعني هرب الجيش حتى كانوا يرون النساء. لكن لما وقع عصيان أمر واحد من أمور النبي صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة الخسران والمقتل التي وقعت في الصحابة رضي الله عنهم. Donc pendant la bataille de Uhud, tout allait bien. Ils ont gagné, rien à dire. Comme la bataille de Badr. Ils ont gagné facilement. A tel point que celui qui rapporte le hadith, il a dit, on a vu les femmes, alayhi salam. Il a dit, on a vu les femmes courir à la fin. Yani, خلاص, même les hommes, ils se sont séparés de leurs femmes. Quraysh, sauf qui peut, comme on dit. خلاص, celui qui peut s'évader, il a gagné. Alors, ils ont gagné. Et là, il y a une chose qui se passe. C'est quoi? Un ordre du prophète, alayhi salam, qu'on a désobéi, qu'est-ce que ça fait? La situation, elle est complètement inversée. Qu'un nasr mubin, asbahat hazima wa khasara. Les compagnons étaient gagnés au 100%. Qu'est-ce qui s'est passé? Abdullah ben Zubayr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mis à la montagne. Il, avec quelques compagnons, radiallahu anhu, a dit, ne descendez pas dans les deux cas, victoire et perte. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand ils ont vu que les compagnons, ils ont dominé pratiquement, ils ont dit, khalas, il n'y a plus. Abdullah ibn Zubayr, il leur a dit, restez. Le Nabi Salim nous a donné un ordre précis. Dans les deux cas, ils ont dit, non, khalas, on a gagné. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Khalid ibn Walid, il est intelligent. Avant l'islam et après l'islam, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout le tour. Il s'est passé, vous connaissez l'histoire. Il y avait quoi? 70 compagnons qui sont morts. À tel point que Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu, on coupe sa main droite. Il prend le drapeau avec la gauche. On coupe la gauche. Il prend avec les deux. Yani, les compagnons, ils n'étaient pas tués. Yani, et on a vraiment joué comme on veut avec leur cadavre. Hamza, qu'est-ce qui s'est passé? On a mangé un peu de sang froid. Yani, ça s'est passé des problèmes graves. Yani, ça s'est passé vraiment maqtala. Yani, les compagnons étaient tués d'une façon barbare. Tout ça à cause de quoi? Amr wahid faqat. Un ordre. Donc on ne s'étonne pas de trouver l'état de la communauté telle qu'elle est actuellement. On ne s'étonne pas quand même. Le qibab ou le shirk fi kull al-amkina, le ma'asi ou le khana, saharun wa ghina wa liwatun wa zina fi kull makan, ou la testagrib, ma takouni l'umma fi hadhi l'hazim. Abedan. Wa la yansuranna Allahu man yansuruh. Toi, t'étais pas sur la droiture. Et comment tu cherches la victoire? C'est un peu contradictoire. Tarju najata wa lam tasluk masalikaha. Jamais un bateau il va avancer sur la terre. Ben, il faut bien de l'eau et du vent en plus. Donc c'est un peu débile de mettre un bateau en plein désert et t'attends qu'il avance. Ben, il ne va pas avancer bien sûr. Il faut le mettre dans un océan et puis il faut un petit peu de vent pour passer. Donc il faut faire les causes. C'est l'état de la communauté. Donc si un ordre, ça fait tout ça, ben, imaginez tout ce qui se passe actuellement. Donc tout. Va au Hajj, tu vois le shirk. Dans les mosquées, il y a des temples. Je ne dis pas toutes les mosquées, alhamdulillah. Voilà. Les gens, que du jahil. Donc, ça ne m'étonne pas, ça ne nous étonne pas tous que la communauté, elle est perdante. Donc, avant de chercher d'autres choses, donc il faut commencer par la base déjà. Voilà. Il ne faut pas croire que l'islam va gagner dès le. Non, il faut bien les premières générations qui construisent et ça va venir après, bi'idhnillah. ومعاجل الشيء قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. Il faut pas se précipiter. Ça va venir. طيب. Parmi les choses qui illustrent ça, الأشياء التي تبين أن حتى وإن كان الإنسان كافر لكن إذا احترم النبي صلى الله عليه وسلم فله نصيب من الخير. سوف نرى. وإن كان كافر. الدليل أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب عبد العزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كافر وهذا كافر، لكن شتانا. أبو طالب ناصر الإسلام وأعان النبي صلى الله عليه وسلم وناصر الدعوة وحمى ابن أخيه وقال أنا أفديك بنفسي وبمالي، لكن أبو لهب ما الذي كان يصنع؟ عدو للدين منذ بداية الدعوة. من البداية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور في القبائل وهو وراء يقول هذا كذاب لا تسمعوا له. كل العرب كانت تشهد على أنه الصادق الأمين. لكن لما كما قال الله تعالى ذلك بأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. كان الصادق الأمين بالأمس بعد عمر 40 يكذب. عجب. هذا لعمري في القياس بديع. عجب. أبو طالب نصر الدعوة. وهو لم يؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عن سعيد بن مسيب عن أبيه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا عما كلمة لا قل لا إله الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ما قال. قال أنا عدين أجدادي الحديث معروف ومات على الكفر. لكن أبو لهب أيضا مات على الكفر ومات أشنع الموتات والعياذ بالله. مات أشنع الموتات. Et bien, Abu Talib, c'est l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il est oncle, Abu Lahab, il est son oncle. Lui, il est mort kafir, Abu Lahab, il est mort kafir. Là, quand on voit la différence entre les deux, c'est qui dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et Allah Ta'ala qui illustre cette différence. Abu Talib, il a aidé l'islam avec ses biens, avec tous les moyens. Il n'arrête pas de protéger Nabi Sallam, à tel point que Nabi Sallam a dit « Ma azatni Quraysh hatta mata Abu Talib ». Yani, la vraie torture, en fait, c'était après la mort d'Abu Talib. Yani, c'était quelqu'un qui le protège. Mais malgré ça, il est mort sur un coup. Il a choisi la religion de ses grands-parents. Ah ben, khalas. Il a choisi, khalas. Abu Lahab, Nabi Sallam, il invite les gens, et lui, il est derrière lui, il dit « Hada, c'est un menteur. Hada, c'est un menteur. » Il n'arrête pas de suivre où il est. Et tout le monde sait qu'est-ce que sa femme elle fait. Donc c'était une famille consacrée pour ça, pour contredire cette da'wa. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? Abu Talib, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit « Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa bi shafa'atihi khaffafa Allahu jalla wa ala anhu al-adab, fa innahu kana fi dahdahin min nar, wa huwa ahwanu asawal an, huwa azabuhu jamaratayni tahta qadamayn yagli minhuma dimaghuhu. » Wa al-hadith sahih muslim. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنه لأهول أهل النار عذابا. قال أهل العلم إذا كان يغلي منهما دماغه هذا دليل على أن أحشاء قد سقطت نصر الله العافية والسلام. لا يظن الإنسان أن أهون عذاب يعني فقط في القدمين والرأس. إذا كان العذاب من القدم وصل إلى الرأس دليل أن الأحشاء سقطت والعياذ بالله. هذا أهون الناس عذابا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يظن أنه أشد الناس عذابا. بينما أبو لهب لم يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ومرأته تشكي. دونك أبو طالب ونغاب يعني من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يشفع في كافر هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هي شفاعة تدخله للجنة؟ لا. مفتاح الجنة لا إله إلا الله. هو ما عندوش لا إله إلا الله. إذن على الأقل خفف الله عليه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. هل شفع لأبي لهب؟ الجواب لا، لأن هذا ناصر الدعوة وإن مات على الكفر، وهذا خان وخذل الدعوة، والاثنان ماتوا على الكفر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بهذه الشفاعة من أجل ما قام به أبو طالب. إبراهيم عليه السلام لا يشفع في أبيه آزر، وفي الحديث الصحيح أنه يحول إلى ضبع يوم القيامة. إذا كان إبراهيم عليه السلام لا يشفع في أبيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شفع في عمه. لماذا؟ لأن عمه ناصر الدعوة وإن كان كافر. إذن مؤيد هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو فائز في الدنيا والآخرة، حتى وإن كان كافر. هنا أبو طالب كان الفوز أن خفف عليه العذاب، ولا شك أن الذي يعذب في أشد الجحيم ليس كمن هو أهون الناس عذابا، كما أن الجنة درجات فالنار دركات. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تخصيصون سبيسيكا لوي سكوة تخصيصون إلى نطخوة سبيسيكا لوي فرمي تخصيصون سبيسيكا سكي لسول بروفيت ومي سجل qui intercède pour un kafir, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il va intercéder pour qui? Abu Talib. Il va intercéder qu'Allah jalla wa ala, il apaise son châtiment. Il aura le degré le plus bas dans le châtiment. Walakin, c'est éternel ou pas éternel? Éternel. Léanna la clé du paradis, c'est la ilaha illallah, il l'a pas. Lakin malgré ça, Allah il a apaisé son châtiment. Abu Lahab, est-ce qu'Allah il a apaisé son châtiment? Est-ce que le Messie a intercédé pour lui? Il n'a pas intercédé. Les deux sont kuffars. Les deux sont ils ont le même lien de parenté envers le prophète عليه الصلاة والسلام. Lakin un il est là et l'autre il est là. C'est quoi qui change? Un il a aidé da'wa du Nabi صلى الله عليه وسلم et l'autre il a trahi cette da'wa. Même s'ils sont kuffars. Donc le fait de suivre ce messager عليه الصلاة والسلام هذا أنكم مصبرون. انظر لك خويك استيفان هذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لا شك أن أبو بكر الصديق مثال عالي في الاتباع، حتى أن عمر يقول أتعبت من بعدك يا أبا بكر، ولا صحابي يصل درجة أبو بكر أبدا. كل إيمان الأمة في كفة، وإيمان الصديق رضي الله عنه في كفة، ترجح كفة أبو بكر. الأمة بدون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبو بكر الصديق. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. نعم، إذن أبو بكر الصديق قال كما في الصحيحين: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا الصديق الأكبر رضي الله عنه يقول: لست تاركا شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل به، أو من أمر كان يعمل به، إلا عملت به، لأني أخشى إن تركت أمرا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. إذا كان الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه يخاف من الزيغ لأمر، فلا تستغرب أن كل الأمة في الآن في هذا الهوان، لا تستغرب إذا كان الصديق يخشى من أمر، فالآن هي أمور، والصديق ربما يخشى من أمور قليلة جدا، لكن بالنسبة لي هو رضي الله عنه هي كبيرة في نظره. فهو حقيقة ضرب مثال حي في الاتباع رضي الله عنه. لكن الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللي تيغا بورتي دون لي دو زوتيك البخاري ومسلم، il a dit je suis pas prêt à laisser un ordre du prophète عليه الصلاة والسلام ولا une chose dont النبي صلى الله عليه وسلم il appliquait aucun ordre. لأن j'ai peur si je laisse un ordre du prophète عليه الصلاة والسلام qu'Allah il m'égare. Un ordre. شوف الصديق يعني حقيقة il a montré vraiment un bon exemple, un exemple concret de suivi. Personne ne va suivre le Nabi Salam comme il a suivi Abu Bakr al-Siddiq. Il était son ami dans la Jahiliya et son ami après l'Islam, radiyallahu anhu wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Abu Bakr al-Siddiq, كما روى ذلك ابن العربي في العواصم من القواصم، أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه الفذ في بابه في تحقيق مواقف الصحابة العواصم من القواصم، ذكر قصة الصديق. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أرسل جيش زيد أسامة بن زيد إلى غزو الروم عقب معركة مؤتة، أرسل أسامة بن زيد وكان صغير السن رضي الله عنهما. فلما وصل أسامة بن زيد إلى مكان توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقبض عليه الصلاة والسلام، التحق بالرفيق الأعلى، ارتدت العرب كفروا، قالوا مات، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مات خلاص انتهى الدين، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذا انقلب ارتدت فئام من العرب أو بعض العرب. جاء الصحابة لأبي بكر الصديق قيل له العرب قد ارتدت أو العرب ارتدوا ولم يبق في المدينة جيش، فإذا أرسلنا جيش أسامة فسيأتي القوم ويفتكون بنا. قال الصديق كلمة عظيمة اسمعوها، قال رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لما حللت لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم ولما رددت جيشا سيره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصديق رضي الله عنه رحمك الله، الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أنظيو أسامة بن زيد avec une armée pour aller quelque part combattre les Romains. Et quand Osama bin Zayd vient de partir, enfin il est parti à une certaine distance, Nabi Salam est mort. Les Arabes, certains Arabes sont Ils sont sortis de l'islam. Ils ont dit khalas, et Nabi Salam il est mort. Qu'est-ce qu'on a à faire nous? Ils sont sortis. Là, les compagnons sont venus voir Abu Bakr al-Siddiq. On lui a dit Ya Siddiq, ya Amir al-Mu'minin, ya Khalifa ta Rasulillah. Il a dit si Osama bin Zayd est parti avec tous les compagnons qui vont là-bas, qu'est-ce qui reste à la Médine? Et les Arabes, ils sont sortis de l'islam. Donc les gens, ils vont venir nous attaquer, et là, on n'aura personne pour défendre. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu ailles, il faut que tu envoies quelqu'un pour qu'il ramène Osama bin Zayd, et pour que Osama bin Zayd revienne à la Médine, et là, on sera quand même un bon groupe. As-Siddiq, il ne pense pas comme. Il n'a pas pensé comme tous ses compagnons qui ont dit ça. Non, lui, il voit à long terme, radiallahu anhu, sur ce point-là. Qu'est-ce qu'il a dit, Siddiq, radiallahu anhu ? Qal, walladhi nafsi biyadih, par celui qui tient mon âme. Si les chiens vont venir, yani ils vont rentrer à la Médine, ils vont, comme il dit, yani ils vont faire ce qu'ils veulent avec les femmes, les mères, des croyants. Yani, à tel point que les chiens vont rentrer à la Médine, ils vont même manger, exactement l'expression qu'elle a dit, les jambes des mères des croyants. Yani, il y aura des massacres dans la Médine. Même si les mères des croyants seront atteintes. Il a dit, j'arrête jamais une armée que Nabi Sallam il a lancée. Jamais. Il a dit, vu que Nabi Sallam il a envoyé cette armée, impossible que je vais leur dire revenez à la Médine, mais c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui les a envoyés. Comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il envoie quelqu'un et moi je lui dis reviens? Et bien qu'est-ce qui s'est passé? Lama sami'at al-arab anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qad mat hammu bil-ridda wa irtaddu lakin kullama marra jaysh Usama bin Zayd ala qawm qalu iza kan arsala hadha al-jaysh ila al-Rum هذا دليل على أنه عنده أكثر من هذا الجيش في المدينة إذن لن نحاربهم والحمد لله حصلت مصلحة الدنيا والآخرة. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit à chaque fois il y a des tribus d'Arabes à côté desquels ils passent Osama bin Zayd et son armée. Il dit si il envoie des gens un grand nombre comme ça combattre les Romains, ça veut dire qu'à la Médine il doit avoir encore plus que cette armée. Donc ils ont dit, on a intérêt à se calmer. Alhamdulillah, la solution de Abu Bakr, elle était la bonne. Il a gagné les deux. Il a préservé la Médine, il a envoyé Osama bin Zayd. Tout ça, c'est quoi? Le suivi du prophète, alayhi salam. C'est un exemple concret. Il n'a pas voulu arrêter une armée que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a envoyée. Non, il a fait que ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam veut exactement, il a fait. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Alhamdulillah, la victoire. هذا أبو بكر الصديق وهذا الاتباع. On revient à notre exemple. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسائل للملوك منهم كسرى ومنهم هرقل. أرسل رسالة إلى كسرى وهذا خرجه ابن سعد في الطبقات والشيخ الألباني في الصحيحة والبيهقي في السنن أو البيهقي في السنن والشيخ الألباني في الصحيحة. أرسل رسالة إلى كسرى. كسرى أرسل إليها ابن عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. كسرى لم يقرأ لا الرسالة ولا شيء، مباشرة أخذ الرسالة أو قرأ منها قليلا ثم أو ترجمت له ثم مزقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم مزقها، أما كسرى فقد مزقها، مزق الله ملكه. أما هرقل فلما أتته الرسالة قال إن كنتم تريدون أن يدوم ملككم يعني بطريقة أخرى عليكم بهذا النبي أو اعرفوا له قدره وإني لو بلغته أظن لا مسحت ساقيه أو كلمة نحوها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما هرقل أمسكها أمسك الله ملكه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنظي دي لتر إلى أنظي دي لتر أكسرى لغوة دي تيرس أهرقل لغوة دي روما أصنفاق. كسرى dès qu'il a su le contenu ou même pas, il a tout de suite pris la lettre, il l'a déchiré. Et Nabi Sallam il l'a déchiré, qu'Allah il déchire son royaume. Hirakl, il l'a pris, et il a dit, si vous voulez que votre royaume, il demeure, il reste pour plus tard, respectez ce prophète. Il ne s'est pas converti. Enfin, on ne sait pas déjà qu'il s'est converti. Voilà, malgré ça, il a respecté. Il a dit, si j'aurai la possibilité d'aller le voir, je vais laver ses pieds ou voilà, ses jambes. Une phrase comme celle-ci. Voilà, qui ressemble à celle-ci. Le Nabi sallam a dit, Amma hiraqan, il a gardé la lettre, qu'Allah garde son royaume. Cheikh al-Islam, Taqi al-Din ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, Anna al-mulk lan ya'ouda abadan fi dhurriyyat Kisra, abadan, mustahi, liyoum al-Din. وقال أن وقد قيل أن الملك أن الملك باق في ذريته رقل ليومنا هذا يقصد على عصره رحمه الله القرن الثامن للهجرة لكن ابن تيمية إلى دي لغويام دي كسرة إلى غويام دي غاجامي جسكو جور دي جوزمان ولكن لغويام دي رقل إذا غشت الشيخ الإسلام البغض دي سون إيبوك لستيام سيكل 8e, 7e siècle Hijri, قال, alors que Hiraql, jusqu'à cette époque-ci, par de son époque de Taymiyyah, son mulk, il est encore dans sa descendance. Qu'est-ce qui change ? Comme on l'a dit, les deux ne se sont pas convertis. Lakin, comment le comportement qu'il avait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui s'est passé ? Son royaume, il a disparu. Jusqu'au jour du jugement. Hiraql, il a gardé son royaume. Il est resté, bon, Ibn Taymiyyah du moins, il parlait jusqu'à son époque. Donc son royaume, du moins, il est resté. Tout ça à cause de quoi ? Le respect de ce messager, alayhi salatu wassalam. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, عنده كتاب معروف. اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول. وهذا المقطع مأخوذ من سد دراب. قال شيخ الإسلام لقد حدثنا أن الذين كانوا على في الثغور في الشام يفتحون الحصون والمدن كان ربما يمكثون الشهر وأكثر من الشهر حتى يتمكن منهم اليأس هذا أبدا كان تفتح يقول حتى يقول حتى إذا سمعنا القوم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح الحصن بعد يوم أو يومين حتى قال أصبحنا إذا نيل أو إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم أصبحنا نستبشر بالنصر واضح إذن سب النبي صلى الله عليه وسلم هو علامة الخسران هو كافر كافر لكن هناك من يسب هناك من لا يسب إذا سب القوم النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بالنصر عن قريب إن شاء الله يقول يوم أو يومين أو ثلاث أيام لأن الله جل وعلا ناصر عبده ورسوله الله تعالى قال إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إن هما في الغار والذي نصره في غار ثور قادر على نصره في كل زمان وكل مكان والله جل وعلا قدير لهذا ابن تيمية قال إلا تنصروه فقد نصره الله باقي إلى يوم القيامة إذا لم تنصر النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا ناصره إذا كما قال الصديق فاستمسك بغرزه يعني غرز النبي صلى الله عليه وسلم ابن تيمية il raconte que à l'époque ils avaient certains quand ils avaient يعني combattaient les kuffars قال certains moments ils avaient du mal à rentrer dans une ville ou un certain village ils ont du mal à rentrer ils restaient un mois voire plus ils peuvent pas rentrer Il a dit, dès qu'on entend un ou le certain de ces personnes-là, il insulte le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quelques jours plus tard, on arrive à rentrer et on gagne clair et net et facilement. À tel point, il a dit que à chaque fois qu'on entoure une ville, à chaque fois il commence à insulter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on était rassurés, alhamdulillah, la victoire arrive très bientôt. لهذا كي سي باسي لاني ديرنيير طول مونت بار وكاريكاتور والنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا طول مونت سبلان هو ربما يبخي مام با ويسور مانيفيستاسيون كذا كذا يبي مام دي مور لي بون كسا كوز دو كوا بدع ومحدثات النبي صلى الله عليه وسلم با دي كومباني سورتي اون مانيفيستاسيون كونت ايتي بليسي كونترير كان يقول وما انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est patient. Tout ce qui lui arrive, pour lui, à partir de moi, c'est sa personne qui touchait, il n'y a pas de problème. Là, c'est la religion qui compte pour lui. قالت عائشة, إلا أن تنتهك محارم الله. C'est ça qui énerve Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand tu dépasses les lois d'Allah. et tu dévies du chemin qu'il a tracé, alayhi salatu wassalam. Et bien, et c'est passé. Les gens, tout le monde se plaint. Ou les caricatures, ou X, ou Y, ou Z, ou tout le monde se plaint. Ou il prie même pas, ou il sort dans une manifestation, comme quoi il aime le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa'sa al-rasoul wa anta tuzhir hubbahu. Hada la'amri fil qiyasi badi'u, in kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu, inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u. Allah ta'ala qal, qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. السلف يقول ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. لهذا قال الحسن البصري زعم قوم حب الله فابتلاهم الله بهذه الآية. الله يقول si vous aimez Allah suivez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous aime. Donc Hassan al-Basri dit certaines personnes ils ont prétendu l'amour d'Allah. C'est la cause d'ailleurs du verset. Ils ont prétendu l'amour d'Allah, Allah il les a testés par ce verset. Vous aimez Allah, طيب, suivez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais que tu aimes Allah, tu ne suis pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un amour. C'est-à-dire celui qui aime quelqu'un, il faut qu'il le suive. هذا الاتباع. C'est pour ça que Salaf dit, ce qui compte, ce n'est pas que tu aimes Allah. Mais que le plus important, que tu sois aimé par Allah. Allah il a dit, si vous aimez Allah, tout le monde aime Allah. Ou la prétend l'amour d'Allah. Ou alors Allah il a dit, suivez-moi, il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aime. C'est ça ce qui compte, comme dit Ibn Qayyim al-Fawwad. Quand il dit Allah vous aime, c'est ça ce qui compte. Tu aimes le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, suis-le. Comme il dit Ibn Qayyim, fi abiyat jamila, fi nani, il dit شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان فإن ادعيت له المحبة على خلافك ما تحب فأنت ذو بهتان أتعادي أصحاب النبي وتدعي حبا له ما ذاك بالإمكان وكذا تعادي جاهدا أصحابه أين المحبة يا أخ الشيطان حقيقة tu suis pas Nabi sallam, tu détestes ses compagnons, t'arrêtes pas de prendre les ennemis du prophète عليه الصلاة والسلام, des innovateurs, des kuffars comme Ali et autres, et tu prétends l'amour du prophète عليه الصلاة والسلام. Et bien toi t'es le frère de Shaitan, comme dit Ibn Qayyim dans Al-Nawawi. Donc aimer Allah, suivre son messager, aimer son messager, il faut le suivre. هذا l'amour. Voilà que sortir et faire n'importe quoi, au contraire, ça fait que du mal pour la communauté. C'est vraiment n'importe quoi. Ou nous, si on connaît l'histoire qu'Ibn Taymiyyah, il dit, Alhamdulillah, la victoire, elle est très proche, bi'idhnillah. Pourquoi ils ont insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Vous inquiétez pas, ça va venir la victoire, bi'idhnillah. Walakin, ala l'insan, alla yasta'jil. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, walakinakum qawmun tasta'jilun. Ça va venir, petit à petit. لكن à partir du mot أنت على خطى النبي صلى الله عليه وسلم فأنت منتصر بإذن الله الدليل قول الله جل وعلا إن لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والله غالب على أمره. إذن في كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا باك هانك طلد لا الحمد لله كل من سفا ولكن دي جون parfois à force de voir l'état de la communauté dit oui je ne vois pas grand chose. Là, si, alhamdulillah, la communauté, elle revient là. Wa lillahi alhamdulillah. Ou enta, essaye de suivre le Nabi sallam, wa la alayka bil akharin. Qu'ou anfusakum wa ahlikum nara. Allah ne va pas te poser des questions sur tout le monde. Sur toi en premier et sur ceux qui sont sous ta responsabilité, pas plus. C'est pour ça que les gens demandent un état islamique. Et bien, toi, fais un état islamique chez toi. Là, que je pense pas, tu as du mal à te lever pour le fajr. Que tu vas gagner les ennemis extérieurs. Ça m'étonne. La nezakan nafsak allati bayna jambay. Ton nafs, tu as du mal à le combattre. Je ne pense pas que tu vas combattre quelqu'un d'autre dehors. Commence par toi-même au début. Mais hada, c'est ce que vous voyez, ou Palestine et autres, tout le monde aime bien ces discours. Wallah, karaghwat as-sabun, comme une bulle de savon. Si tu ne recommences pas comme il Nabi sallam l'a recommencé, أنت في ضلال مبين. Et si tu gagnes, c'est à court terme. لكن à long terme, ça ne va pas durer. لأن الله جل وعلا متم نوره. مش أي نور. نور الله جل وعلا. الوحي. الكتاب والسنة. هو المهيمن. نعم. من ضمن القصص أو الحديث الذي رواه الترمذي فيه وصححه الألباني أو حسنه في صحيح الترمذي قصة ابن مسعود. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء الآخرة وخرج بابن مسعود إلى بطحاء في مكة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرح مكانك امكث هنا، ووضع له خط وقال له لا تتجاوز هذا الخط. النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على ماك إلى مي دفع شرطان تران إلى مي أنتري دوني قالوا ne dépasse pas ce trait. T'as une limite, il ne faut pas la dépasser. Il y aura des personnes qui vont venir te voir. Il ne faut pas que tu leur parles. Eh bien, Mas'oud, c'est pas trop. C'est pas comme les gens qui sont mal polis avec le Nabi sallam. Dès qu'on lui dit un ordre, pourquoi ça? Même pas, c'est quoi la sagesse derrière? Non, ouais, il se peut qu'il y ait une sagesse, il se peut qu'il n'y en a pas pour lui. Pourquoi ça? J'ai du mal à comprendre ça, ainsi de suite. Donc, Ibn Mas'ud, il n'a rien dit. Tu sais, je sais, khlas. قال ابن مسعود فمكثت هكذا حتى جاء قوم قال كأنهم الزط أو الزط أو كلمة هكذا يعني سود الوجوه المنظر مخيف. قال فجاءوا أمامي وما جاوزوا الخط. هذا الإنسان قال لا تجاوز الخط ولن يضروك، لكن طبق الأمر فما جاوزوا الخط. فوقفوا أمام ابن مسعود مكثوا قليلا ثم ذهبوا. Il y a des hommes qui sont venus avec une certaine image qui fait peur en quelque sorte. Ils sont noirs et autres descriptions. Et enfin, c'est quand leur image ne sont pas beaux. Au contraire, c'était laid. Donc, ils viennent et le médecin me dit si tu ne dépasses pas la ligne, ils ne vont rien te faire. Mais il ne faut pas que tu leur parles. Ils sont venus. L'histoire est dans Sahih al-Tirmidhi. Ils viennent, ils s'arrêtent juste avant la ligne, en face de Ibn Mas'ud, mais ils font rien du tout. Ils sont restés un certain moment, ils sont repartis. Ibn Mas'ud, il a appliqué parfaitement ce que le Nabi lui a demandé. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أراني منذ الليلة يعني لم أنا من البارحة. ثم تجاوز الخط، دخل في الخط النبي صلى الله عليه وسلم، فقط خط هو على الرمل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم واتكأ على ابن مسعود ونام. بتفاصيل أخرى ثم لسويت الاستوار الآن لا تهمنا أو ليست الشاهد من الحديث. دونك إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن إذن ابن مسعود جي با دورمي دلا نيل إلى إل غانطر إل ديباس لا نيل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشي إلى إل سمي سور لا كويس ولا دين أوتر مانيير فاصون إل إتي يعني il dort sur Ibn Mas'ud, il était sur sa cuisse, je ne sais pas, ou autre. Oui, il est dormi, il a dormi. La suite de l'histoire, ce n'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Là, ce qui compte, la leçon, c'est quoi? Ces gens-là, ils sont venus. Ils font peur, comme il dit Ibn Mas'ud. Là, quand Nabi Salam lui a tracé le trait, il lui a dit, ça c'est à ne pas dépasser. C'est un trait, c'est quoi? C'est une barrière en fer. Voilà, c'est une barrière en béton, c'était quoi? Une ligne sur le sable, la terre. Juste une ligne. Là, quand Ibn Mas'ud, et ça c'est la ligne, hein, c'est exactement ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Moi je vous incite à lire l'histoire complète, à la suite. Hein. Là, elle est longue, donc je préfère que vous lisiez ça chez vous, Inch'Allah. Livre super. Donc, cette limite-là, c'est quoi? C'est sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand Ibn Mas'ud, il n'a pas dépassé, il a obéi exactement là, qu'est-ce qu'il a fait? Allah, il a protégé juste par une petite ligne, comme ça. Si Ibn Mas'ud, il a dépassé, ça ne sera pas une bonne suite pour juste après. Le Seigneur dit, à condition que tu ne dépasses pas la ligne. Alhamdulillah. Ibn Mas'ud, il a appliqué le conseil, il n'y a rien qui lui arrive. Au contraire, ils arrivent devant lui, ils n'arrivent pas à dépasser cette ligne. Donc celui qui s'attache à ce chemin, il est gagnant dans la vie d'ici-bas et dans la vie de-delà. La dernière histoire, akhir qassa, ou akhir misal, Al-As ibn Wa'il, huwa ab Amr ibn Al-As. العاص بن وائل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أن نزلت عقبة بن معيط وكعب بن أشرف رأس اليهود وغيره. الحاصل أن العاص بن وائل قال أن محمد لا يلد ليس له رجال يعني أبناء ذكور فسينقطع نسبه، إذن هو أبدر مقطوع النسب. الله تعالى ناصر نبيه في الدنيا قبل الآخرة، فنزل قول الله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر. شوف التشريف، الكوثر هو الخير الكثير، ومن الخير الكثير الحوض في الذي من الجنة والذي يشرب منه، أصله من الجنة والذي يشرب منه المؤمنون في أرض المحشر. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. الشاهد إن شانئك هو الأبتر. الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويتنقص منه هو الأبتر. دونك العاص بن وائل سيلوتار دو عمرو بن العاص رضي الله عنه il a dit Nabi sallam il n'a pas de garçon dans sa descendance. Donc certains moments du jour au lendemain ça va, sa descendance elle va être, elle va s'arrêter. Il n'a pas de fils qui prend son nom. Ça c'est veut dire. Il a que des filles. Quatre filles. Allah Ta'ala, il a dit celui qui t'insulte, celui il abtar. Abtar يعني il n'aura pas de descendance. C'est pas l'abtar. Il n'aura pas de descendance. Si il a une descendance, voilà que l'abtar, on va voir qu'est-ce que c'est l'abtar ici. كيف يكون العاص بن وائل الحق يعني كيسيون كو بون كيف يكون العاص بن وائل سيلي تي با لو بير دو عمرو بن العاص والله يغطي بيرسون كي لو كوني ا بار كيلكو زان تلمو الي ابو لهب و نغط با دو بارلي دو لوي كوم ميم لي كافر لي دو القران العاص بن وائل الى سيتي النبي صلى الله عليه وسلم الميريت ميم با دت نوميه فرعوني او نبي من فرعون ابو لهب ونجي ابو لهب يعني تلمو الله لا il déteste ce genre de personnes qui insultent son messager. Il n'a même pas prononcé son nom. Il ne sait pas qui est l'abta. Celui de l'abta. Donc qui connaît l'As? Personne. Si son fils n'était pas Amr bin As, il n'y a personne qui va connaître. Il est vraiment négligé. Voilà que le Nabi sallam. Qui ne connaît pas le Nabi sallam? Non musulman, toute personne. Toutes les secondes, sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les secondes sont montrées sur lui. Toutes les secondes. Ceux qui ne sont pas musulmans, ils attestent qu'ils étaient un homme pieux. Ça, il n'y a pas à discuter sur ça. Voilà qu'on a Asib ibn Wa'il, quand il dit, il dit qu'Allah il me dit. Kafir la'i, khabib, kaza, lâche, bien a insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regarde ce qu'il a mérité. Donc même le kufr, ce n'est pas les mêmes degrés. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit qu'il dit que shani'aka huwa al-abtar min a'zam al-suwar. لأن هي إلى يوم القيامة شان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر حقا. فالذي تكون pour العاص بن وائل toute personne qui dépasse ses limites et qui va envers le Nabi sallam ou là qui dit quoi que ce soit sur le Nabi sallam il mérite vraiment le titre abtar. Ici on ne voit pas ça à court terme, on va le voir à long terme. Donc toute personne qui atteint le Nabi sallallahu alayhi wa sallam abshir laha bil waylat, que de malheur dans la vie d'ici bas avant le delà. Donc c'était ça le rappel sur cette partie de la sunna. Et là j'aimerais bien finir avec j'explique pour le truc on va pas trop prendre du temps, inchallah on va finir bientôt. Yani, enfin bref, il y avait quelqu'un qui a fait un cours. Je ne sais pas si tout, je pense pas que les frères étaient là, mais enfin bref, yani, ce qui compte, il a trop fini certaines informations. Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, il dit que min a'zam al-jihad, himayat baydat al-islam, yani radd ala al-mukhalif. L'an khatar, الذين يضربون الدين باسم الدين أعظم من خطر اليهود والنصارى والمشركين. خطرهم أعظم لأن يضربون الدين باسم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم يهدون بهدي أو يستنون بغير سنتي. قال تعرف منهم وتنكر. ثم قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. Nabi sallam qala fin du temps, des prédicateurs aux portes de l'enfer. Celui qui les obéit, khlas, ils vont le mettre dedans. Hadith Hudhayfa fi Sahihayn. C'est exactement ce qui se passe. Il a la science, il n'a pas la science qui compte quelqu'un qui ce qui compte pour nous, quelqu'un qui a propagé un égarement. Et c'est pour le niveau de la quantité, il connaît plus que certains frères. Voilà qu'il hamdulillah. Iqtisadu fi sunnah, khayr min ijtihadi fi bid'ah. Le minimum sur la sunnah, c'est mieux que le maximum dans le bid'ah. Ihmad ilahaka ayyuha sunni, iz'afaka min ta'wili dhi buhtani. Le minimum sur la sunnah, alhamdulillah, c'est mieux que le maximum dans le bid'ah. Et là, Hassan al-Basri dit: Mazdada mubtadi'un salatan wa siyaman illa zdada min Allah bu'da. Chaque fois, un innovateur, ou voilà, quelqu'un qui n'est pas sur le chemin du Khwata Sattu Salam, il y fait encore plus de prières, plus de jeûnes, plus d'efforts, à chaque fois il s'égare encore plus, à chaque fois il s'éloigne encore plus d'Allah. C'est ça qu'il faut comprendre. Les efforts, ils sont bien, ولكن sur le sunnah. Ya habbada nawm al-akyas wa fitaruhum. Thumma yaqul Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu, fala misqalu dharratin min yaqin. Min birrin wa yaqin. خير من أمثال الجبال عبادة من المغترين. أنا التوم دو بيان سور لا سنة على السبيل والسنة سي ميو كي دي مونتان دادوراسيون دي زيكاري. لهذا الفضيل بن عياض رحمه الله ورضي عنه يقول أن لا إياك عليك بسبل الهدى ولا تبتئس أو كلمة نحوها من قلة السالكين وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. Il a dit, suis le chemin de la vérité. Et ne cherche pas le nombre de ceux qui suivent. Et fais attention des ambunayat al-tariq, les chemins à droite, à gauche. Et ne sois pas tenté par le gros nombre que suivent. لأن الكثرة ليست بركة. لأن الله تعالى يقول, ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقليل من عبادي الشكور. الله الذي sont peu ceux qui sont reconnaissants. Donc هذا il a fait un درس sur comment expliquer le Coran. Ça c'est le titre. Et là je vais parler qu'en français, il y en a, le temps il presse un peu je pense. Et puis ça c'est bref, à la course ça va pas durer longtemps. Le titre c'est comment expliquer le Coran. Voilà le source de l'ikhtilaf. Mais le contenu, ça n'a rien à voir déjà avec le titre. Taïb. Ce qui compte pour nous, il a utilisé pour dire que la divergence, elle était au temps des compagnons. Il a pris quoi comme preuve ? À la kulli al-bid'a, comme un héritage. Houwa, il l'apprend de son cheikh. Son cheikh, il l'apprend de son premier cheikh, ainsi de suite. Quand on est revenu à la parole que ce monsieur, il a dit, on l'a trouvé exactement dans l'un de leurs chiyours contemporains, et on a trouvé la même parole modifiée un peu dans le premier fondateur. Le bid'a, ainsi elle se propage. Et le bid'a tabda saghira wa takbar. La tahqaranna saghira tan inna jibala min al-hafa. Elle commence petit, elle s'agrandit petit à petit. Chouye, chouye. Et bien, pour dire que la divergence, il n'y a pas de mal, il a utilisé deux preuves. Exactement comme son cheikh. Exactement, les mêmes, la même parole. On l'a lu hier, exactement. Il a donné la preuve, qui est dans les deux authentiques, d'ailleurs, sahih, rien à dire. Voilà, quand on prend le hadith et la compréhension de ceux qui étaient là pendant le moment du hadith. On ne prend pas le hadith tel qu'il est, non, on prend le tel qu'ils les ont compris eux, qui étaient avec Nabi Sallam, quand il y avait ce hadith. Et les compagnons en général. Il y en a prendre un hadith, wallah, tu t'égares tout seul. Tous les groupes que vous voyez anciens et contemporains, c'est l'égarement, ça vient de quoi? Un texte, il interprète tel qu'il veut l'air. Kitab ou sunna, c'est pas ta compréhension, la compréhension de ce qu'Allah leur a fait une tazkiyah. Fa in amanu bi mithli ma amantum bihi, faqad ihtadaw. Wattabi' sabila man anaba ilay. Naam. Et donc, il dit, an Nabi sallam, certains mots, il a dit, celui qui croit au jour, à Allah au jour du jugement, il ne prie pas l'Asr qu'à Bani Qurayza. Yani, Nabi Salam il a dit ça pour que les compagnons se précipitent. Un coin, il dit à côté, enfin bref, l'histoire. Revenez au hadith, vous allez trouver l'histoire. Il y avait une divergence entre les compagnons. Ceux qui étaient sur la route, c'était le moment du Asr. Ils ont dit, on va prier, c'est l'heure du Asr. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, non, Nabi Salam a dit, celui qui croit à Allah et au jour du jugement, il ne prie pas l'Asr qu'à cette destination, Bani Qurayza. Donc ça, il y avait une divergence. Et le Nabi Sallam, quand il est venu après, Il a trouvé ces gens-là qui ont prié, les autres ont prié qu'après Salat al-Isha, al-Akhira. Et Nabi sallam, il n'a pas grondé ces gens-là, ceux qui ont, les compagnons qui ont prié, n'ont pas prié, et il n'a pas grondé ceux qui n'ont pas prié. Voilà, les deux. Donc Nabi sallam, il n'a rien dit pour les deux. Le frère dans le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et Nabi sallam, il a dit, vous avez raison, et vous avez raison. هذا سيد لغارمون لان ضدان ما اجتمع ولن يتقارب حتى تشيب مفارق الغربان يا طاب حق من طن ان سوالا فلوت لكن tu veux me dire là il a de récompense soit il a récompense ça va صح ah il a fait l'ijtihad il avait raison de récompense soit il a fait l'ijtihad hein il avait tort il a une récompense هذا d'accord هذا نص الحديث في الصحيحين حديث عمرو بن العاص ولكن هو الى دي النبي صلى الله عليه وسلم قال صح exactement il a dit vous avez raison et vous avez raison هذا سيدي كارمو اولا من كذب علي متعمدا فليس تبوا مقعده من النار celui qui ment sur le nabi sallam qui prépare sa place en enfer النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث رواه مسلم في مقدمه الصحيح من كذب علي او من حدث عني حديثا يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين او الكذابين Il fait partie du menteur. Il raconte un hadith. Il sait que Nabi Sallam l'a pas dit, mais il a dit, Nabi Sallam l'a dit. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana. Wa ma siwa dha wa thwasu shayatin. A part de ça, c'est ça vient du shaytan. Qala ou haddathana. Donc il a dit, vous avez raison et vous avez. Et ça c'est faux. Asbit al-arif ton manqush. Ramène moi d'où t'as ramené ça. Comment Nabi Sallam veut approuver ces gens-là, approuver ces gens. Tu dis, il n'a pas fait, il n'a rien fait pour ces gens-là, c'est ça. لكن كي لدي فوز افي ريزون فوز افي ريزون هذا سيفو لان كوم يدي ابن القيم دون كتاب زاد المعاد يكون لدي شيخ الاسلام دون رفع الملام عن الائمه الاعلام سان تري بون ليفر كي بارل سور لا ديفيرجونس دي امام يكون لدي الشيخ ابن عثيمين دون سا بتيت ايبيتر كي لو نومبر دو باج لي بيتي ولكن دون لا فالور الي تري غراند الشيخ رحمه الله الخلاف بين العلماء يفويس كي دي الشيخ عثيمين يدي سيغتانمون سو كي زون بريي Ils ont fait l'asr à l'heure, c'est donc qu'ils avaient raison. Peu importe qui a raison, et c'est exactement l'avis de Hafez ibn Hajar dans Bulugh al-Maram, il a même rapporté la parole d'Ibn al-Qayyim, et c'est la parole de, d'autres savants qui disent que ceux qui ont fait l'asr, ceux qui avaient raison. Peu importe qui a raison. En fin de compte, il faut un seul qui a raison. Donc prendre ce dalil pour dire qu'on a le droit de. Voilà de se différencier, voilà de prendre des chemins différents, ça c'est grave. Voilà peut-être il dit ça pour dire que il y a pas de mal. On n'est pas même dans le foul, dans le furu, peu importe, on est en divergence, il y a pas de mal. Ah mais je te fais rien, toi tu fais rien, Nabi Sallam il a rien fait pour les deux. Wallahi, c'est l'injustice de comparer la divergence des compagnons dans un texte qui était un peu ambigu pour eux de la divergence actuelle. Comment on compare une divergence dans un texte ambigu qui vient de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, déjà il est sûr qu'il vient de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'ils font maintenant, ça n'a aucune source, en plus de ça, ils sont à côté de la plaque, ils prennent ça comme dire. C'est quoi? Inter. T'as un chemin, moi j'ai le mien, il n'y a pas de souci, on travaille pour la da'wa, le but c'est quoi? C'est que l'islam il règne. Wallahi, avec des exemples comme ça, il ne va pas régner, jamais. Voilà, donc c'est très grave de dire que, d'utiliser ce hadith, pour dire qu'on a le droit de prendre des chemins différents. At-tariq wahid. Wa anna hadha sirati mustaqima. Fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul. Subul ad-dhalal sah, lakin al-haq wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Wa lish-Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahu Allah wa shafah kitab 'azim fi babihi wa fadh wa huwa kitab rad fi 'ala عبد الرحمن عبد الخالق اسمه جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرة والشيخ بن باز قال هذا عنوان جميل فقط العنوان وهو حق إن شاء الله وإن لم تخن الذاكرة قدم له سمحت الشيخ صالح الفوزان حفظه الله والشيخ عبد الوهاب البنا وهو كتاب عظيم في بابه وكتب أهل العلم كثيرة في ذم التحزب والتفرق بل أن الرد على المخالف من أصول الدين وقرأوا كتاب les six perles de Cheikh Abdelmalik Ramadhani, vous allez voir. لهذا يقول أحد تلاميذ الشيخ مقبل كلمة عجيبة في أبيات قال هل رجعت إلى الكتاب وسنة وتركت حزبا خالف الأصلان يعني الكتاب والسنة وسلكت دربا للنجاة وموصلا سلكوه أهل العلم كالألبان ودعوت رب العرش يمحو ما مضى من زلة ويمن بالغفران. هذا ونسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه جل وعلا جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.